franceinter.com. Dans le petit monde du renseignement, c'est une légende. Un illégal, comme on disait à l'Est, qui a eu une carrière exceptionnelle, joué un rôle capital dans quelques-uns des événements les plus importants du XXe siècle et qui, bien sûr, s'est toujours gardé d'apparaître au grand jour. À tel point qu'aujourd'hui encore, la vie de cet homme aux 100 métiers et autant d'identités est auréolée d'un vrai mystère. Et s'il a accepté de se laisser photographier, c'est seulement au soir de sa vie, alors qu'il était devenu un écrivain et historien reconnu. Et encore, ce membre correspondant de l'Académie des sciences de l'URSS n'a-t-il publié sa soixantaine de livres que sous des pseudonymes ? Espion, assassin, diplomate, il a approché les plus grands personnages de son époque, même le pape Pie XII, qui a accepté de se laisser photographier en sa compagnie. On y voit, selon le portrait qu'a tracé de lui l'écrivain chilien José Miguel Varas, un homme avec une énorme tête carrée dans laquelle prédominait un très grand front, des yeux quelque peu protubérants, malicieux et généralement à moitié clos, un grand nez irrégulier et une bouche sardonique. Sa peau était pâle, un peu olivâtre et une petite moustache à peine fournie, triangulaire, brillait au milieu du vaste espace qui allait de la base du nez jusqu'à la lèvre supérieure. Son visage avait à la fois un air vaguement militaire et une touche orientale, comme on peut le voir chez beaucoup de gens de notre continent américain. Dans une rue de Santiago, personne ne l'aurait pris pour un soviétique. On aurait plutôt pensé à un professeur de lycée ou à un général. Tel était donc l'homme qui s'appelait peut-être Iosif Romualdovitch Grigulievitch, à moins que ce ne soit José Grigulievitch Lavretsky ou même Teodoro Castro. Dans un instant, M. X éclaire la vie de cet espion exceptionnel mais pratiquement méconnu, le Zelig de l'espionnage soviétique, comme l'a écrit un journaliste argentin. Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Гражданин Союза Советских Социалистических Республик. rendez-vous avec X. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage hors du commun, Grigoulevitch, appelons-le ainsi, même si sa véritable identité est douteuse, ce qui m'a d'abord étonné, c'est qu'il ait échappé aux purges staliniennes. Et pourtant, si je puis dire, il avait le profil. Juif, ancien de la guerre d'Espagne, intellectuel, communiste de la première heure, et il était tout désigné. Ah oui, alors comment expliquez-vous cela, hein? Je crois qu'il a eu la chance de se trouver hors du RSS lorsque les bourreaux de Staline ont sévi. Et il n'a pas été rappelé à Moscou comme bien d'autres agents soviétiques. Qui ont été immédiatement liquidés dès leur retour dans leur patrie. En tout cas, s'il a séjourné en URSS, c'est brièvement et après le paroxysme de cette épidémie de purge. Mmh. Il est donc passé à travers les mailles du filet. Alors voyons d'un peu plus près ce personnage étonnant. Autant qu'on puisse le savoir, Iosif ou Iosip Grigoulevitch est né juste avant la Grande Guerre en Lituanie. La Lituanie qui faisait alors partie de l'Empire russe. Avant de devenir polonaise après la guerre, oui. Son père est pharmacien et ne va pas tarder à émigrer en Argentine. Et le fils ? Il serait resté avec sa mère dans cette Lituanie annexée par la Pologne. Puis il voyage en Europe afin de parfaire ses études. Il s'inscrit notamment à la Sorbonne avant de partir lui aussi en Argentine. Il rejoint son père, donc ? Certainement. Auparavant, il a adhéré au Parti communiste polonais. Et il a même probablement été recruté par l'ancêtre du KGB, le NKVD. Oui. Il faut tout de suite dire que Grigoulevitch est un brillant sujet qui parle plusieurs langues. Et alors, à part aller retrouver son père, que va-t-il faire en Argentine ? Il aurait été chargé d'organiser le mouvement communiste en Amérique du Sud. Tout cela est bien flou. Hein. Oui, je l'avoue. Les informations fiables sur Grigoulevitch sont très rares. Ce qui apparaît sûr, par contre, c'est qu'il va prendre la direction de l'Espagne quand commence là-bas la guerre civile. Et il semble bien que l'homme qui lui a procuré un faux passeport est un agent serbe du Comintern, un certain Joseph Broz. C'est Tito. Tito, oui. Et ça ne manque pas de sel, car bien plus tard, et nous en reparlerons, Grigoulevitch sera chargé de liquider le leader yougoslave. Le tuer, vous voulez dire. En effet. Et alors, en Espagne, là, que fait-il ? Toujours au service du NKVD, il est vraisemblablement chargé de lutter contre les trotskistes et les anarchistes qui se trouvent dans les rangs républicains. Et vous savez ce que ça signifie. Les staliniens font alors preuve de la plus grande férocité pour se débarrasser de leurs rivaux politiques. À tel point on peut se demander si pour Moscou, l'ennemi principal n'est pas le franquiste, mais l'anarchiste ou le trotskiste. C'est exact. Le chef de Grigoulevitch est alors un nommé Leyba Lazarevitch Nikolsky, qui se fait appeler Alexandre Orlov, sans doute parce que son nom faisait trop juif. Orlov, qui prend en main la police secrète du camp républicain, est un homme impitoyable. Je ne sais plus où j'ai lu c'était le conseiller soviétique le plus effroyable jamais envoyé en Espagne. Un agent d'une redoutable efficacité. Ouais. Et Grigoulevitch, là, le seconde. Et participe sans doute à tous ses méfaits ou ses coups d'éclat. C'est par exemple Orlov qui va faire assassiner le dirigeant trotskiste Andrew Nin. C'est lui aussi qui organisera le transfert en URSS de l'or de la Banque Centrale d'Espagne. Et pourtant, ce stalinien pur jus ne va pas tarder à rompre avec Moscou. Orlov, là. Et pourquoi ? Toujours les purges. Orlov, lorsqu'il apprend que son beau-frère a été arrêté, se sent lui-même menacé. Et au lieu de revenir en URSS, il passe à l'Ouest. Du même coup, il devient un danger pour tous ceux qui ont travaillé avec lui. Ah oui, parce qu'il peut les dénoncer comme agents soviétiques. Naturellement. Et c'est le cas de Grigoulevitch. Et aussi de l'homme qui a remplacé Orlov en Espagne, Leonid Ettingen, un vieux routier de l'espionnage soviétique qui a déjà traîné ses bottes dans de nombreux pays et sera le véritable mentor du jeune Grigoulevitch. Les deux hommes se retrouveront d'ailleurs à plusieurs reprises. Un dernier mot sur la période espagnole de Grigoulevitch. Il fait la connaissance de plusieurs personnages importants de la scène communiste qui auront une grande influence sur lui. Le poète chilien Pablo Neruda, les peintres mexicains Diego Rivera et David Siqueiros. Il y a aussi parmi ses familiers un certain Ramón Mercader. Ça, c'est le futur assassin de Trotsky. C'est ça. Et c'est Ettingen qui le lui présente car il est l'amant de la mère du jeune Mercader, une certaine Caridad, une militante communiste aussi belle que déterminée. Enfin, Grigoulevitch se lie également avec Santiago Carrillo. Qui deviendra plus tard le secrétaire général du Parti communiste espagnol. Hein. Et les deux hommes sont si proches que Grigoulevitch sera le parrain laïc du fils de Carrillo. Bien sûr, quand le putschiste Franco finit par triompher, tout ce petit monde doit fuir l'Espagne. Alors que devient Grigoulevitch ? Je vous l'ai dit, il séjourne brièvement à Moscou et très vite, on lui confie une nouvelle mission. et il rejoint cette Amérique latine qu'il connaît bien et où il compte de nombreux amis. Oui, mais la mission elle-même là. Oh ben, il s'agit tout simplement de tuer Trotsky. Ah bon, Trotsky, il faut le rappeler, qui s'est établi au Mexique. Hein. Dans une maison qui appartient à Diego Rivera. Ah, oui. L'ami de Grigorievitch. Ben, c'est une coïncidence. Rivera ne sera nullement compromis dans l'affaire. Par contre, Siqueiros, lui, va jouer un rôle, et même un rôle actif. Enfin, n'allons pas trop vite. Ah, il faut d'abord savoir que Staline est littéralement obsédé par Trotsky. Mais c'est son rival numéro un. Mais qui a failli le supplanter. Mais Staline a pris le dessus et a réussi à le faire expulser du RSS. Oui, je me demande pourquoi il ne l'a pas fait assassiner. L'heure n'était pas encore à l'utilisation de ce genre de méthode expéditive. Encore que. Et puis, Trotsky, ancien chef de l'armée rouge, était un personnage populaire. Mais il est certain que Staline a dû regretter de lui avoir permis de quitter vivant le territoire soviétique. En tout cas, le petit père des peuples lui vouait une haine farouche, à lui et à tous ceux qui se réclamaient de ses idées. Et ça explique en partie les liquidations de trotskistes pendant la guerre civile espagnole. Bien évidemment. Ouais. J'ajoute que cette haine était quasi irrationnelle, existentielle même, car en réalité, Trotsky et les siens ne menaçaient nullement le pouvoir de Staline. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient trop peu nombreux. Mais il n'empêche que le maître du Kremlin voulait à tout prix se débarrasser de Trotsky. Sans doute parce que le leader internationaliste est pour lui une sorte de reproche vivant. Oui, la condamnation de la terreur qu'il exerçait. Et le fait que Staline avait renoncé à exporter la révolution. Et puis, et ce n'est pas négligeable, Trotsky a aussi violemment dénoncé la signature du pacte germano-soviétique. Alors, il fallait donc éliminer Trotsky. Et ce dernier, qui avait déjà échappé aux tueurs du NKVD, savait que tôt ou tard, il serait rattrapé par ses assassins. Aussi, son entourage lui avait imposé une garde particulièrement vigilante. Et la maison de Rivera était devenue une petite place forte où il fallait montrer patte blanche avant de pénétrer. Et pourquoi, au fait, là, pourquoi Trotsky a-t-il choisi de s'installer au Mexique ? Avant de choisir cette dernière résidence, il avait été contraint à de nombreuses pérégrinations. Toujours pour échapper aux tueurs, j'imagine. Alors, on l'avait d'abord vu en Turquie, puis en Europe. Il a même séjourné en France. C'est hein, exact. Ouais. Et il aurait certainement voulu aller aux États-Unis, mais il y était interdit de séjour. Alors, il a finalement opté pour le Mexique, où la direction du Parti communiste ne participait pas à l'hystérie anti-trotskiste en vigueur dans tous les partis inféodés à Moscou. Cependant, au mois de mars 1940, cette direction a dû céder la place. Et immédiatement, les nouveaux dirigeants se sont montrés extrêmement hostiles à Trotsky et ont même suscité des manifestations pour réclamer son expulsion du Mexique. La position de Trotsky devient donc de plus en plus délicate. Et ça renforce encore sa conviction qu'il ne tardera pas à être assassiné. Il ne faut pas oublier que son fils aîné est mort peu de temps auparavant, vraisemblablement empoisonné. Ouais, dans une clinique parisienne où il était hospitalisé pour une banale appendicectomie. Donc Trotsky savait sa mort prochaine. France Inter, rendez-vous avec X. Nouvellement nommé patron des missions spéciales du NKVD, Pavel Soudoplatov est convoqué au Kremlin au tout début de 1940. Dans un livre de mémoire, il raconte « C'est Staline qui parle ». À part Trotsky en personne, il n'y a aucune figure politique importante dans le mouvement trotskiste. Si on élimine Trotsky, tout danger disparaîtra. Staline se raidit alors comme s'il était en train de donner un ordre et déclara « Il faut en finir avec Trotsky dans l'année, avant le début de la guerre qui est inévitable. Si cela n'est pas fait, lorsque les impérialistes attaqueront l'Union soviétique, nous ne pourrons pas nous fier à nos alliés du mouvement communiste international, comme l'a montré le précédent espagnol. Ils ont le plus grand mal à remplir leur devoir de déstabilisation de l'ennemi sur ses arrières par des opérations de sabotage et de guérilla, s'il leur faut veiller, en outre, à ne pas se laisser traîtreusement infiltrer par des trotskistes. » L'histoire ne nous a pas encore appris à édifier la puissance militaire et industrielle du pays tout en consolidant la dictature du prolétariat, poursuivit-il, exprimant ainsi la théorie selon laquelle la défense de la révolution devait être d'abord assurée en Russie même. Cette idée qui consistait à défendre d'abord la révolution dans un seul pays était à l'opposé de l'internationalisme manifesté par Trotsky qui prônait une révolution simultanée de toutes les classes laborieuses dans tous les pays. C'était là le cœur même de la lutte idéologique entre les deux hommes. Staline conclut son bref exposé de la situation dans le monde en me donnant l'ordre de prendre la tête de l'équipe des Bolcheviki, troupes de choc, pour mener à bien l'action contre Trotsky, exilé au Mexique. Et c'est ainsi que Soudoplatov va faire appel à Grigoulevitch. Il faut ajouter qu'en cette année 40, Trotsky, atteint d'une sclérose en plaques, était de plus en plus mal. Il avait même rédigé son testament et envisagé le suicide si son état de santé continuait à se dégrader. Mais ni les menaces qui pesaient sur lui, ni sa maladie ne l'empêchaient de continuer à écrire et à travailler. Et alors, quel est le plan envisagé pour l'assassiner, hein ? Je dois d'abord vous dire que deux groupes ont été constitués. Et ils sont relativement indépendants les uns des autres, même si, à mon avis, c'est Grigoulevitch qui est le chef de ces deux entités. Sans doute sous l'autorité d'Ettingon, et surtout celle de Pavel Soudoplatov, le grand Manitou des missions spéciales du NKVD. Alors, le premier groupe, c'est un réseau d'illégaux. D'agents soviétiques, donc. Oui, oui, je vous rappelle qu'un illégal est un agent qui ne dispose pas d'une couverture diplomatique. Le numéro un de ce réseau est cette Caridad Mercader dont je vous ai parlé. Et la maîtresse d'Ettingon. Hein. Et la mère de Ramon Mercader, oui. Ramon aussi fait partie du réseau. Alors, un mot sur ce très beau jeune homme. Très beau. Oh, c'est un incontestablement un séducteur. Et il va s'en servir pour mener à bien une opération de pénétration dans l'entourage du vieux chef bolchevique. Et qui va-t-il séduire ? Une jeune américaine, Sylvia Angelov, qui travaille au secrétariat de Trotsky. Se présentant comme Jackson, fils d'un diplomate canadien fortuné, il arrive très vite à ses fins et conquiert facilement cette naïve jeune fille. Ce qu'il veut obtenir d'elle, ce sont des renseignements sur la maison et les habitudes du vieux, comme on l'appelle familièrement. Pour l'instant, il n'est pas question que lui-même tue Trotsky. Non, non, parce que c'est la tâche qui est assignée au deuxième groupe. Alors, qui compose ce deuxième groupe-là ? D'une façon tout à fait inattendue, c'est Siqueiros, ce grand peintre mexicain qui le commande et qui a même recruté ses membres pour la plupart des militants communistes espagnols. Oui, qui ont fui l'Espagne. Siqueiros, alors, qui est donc prêt à devenir le chef d'un commando d'assassins. C'est la vérité. Et Grigoulevitch lui a préparé le terrain. Ah oui, alors comment ? Le Lituanien a réussi à entrer en contact avec un dénommé Robert Arte, un Américain qui est au service de Trotsky en tant que garde du corps. Est-ce lui aussi un militant ? Absolument. C'est en tout cas ce qu'il prétend. Pourquoi il y a des doutes, là ? Eh bien, il se trouve que le père de ce jeune homme est un ami personnel de ce cher Edgar Hoover, dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps. Et alors ? Cette fâcheuse coïncidence a conduit certains à se demander si le FBI n'avait pas joué un rôle dans l'assassinat de Trotsky. Alors, votre avis, vous ? Le NKVD et le FBI alliés de circonstances pour liquider Trotsky ? Non, je n'y crois pas. Mais alors, pas une seconde. Mais je tenais tout de même à vous signaler ce point très curieux. Alors, je poursuis. Grigoulevitch a donc habilement approché ce Robert Arte. Et les deux hommes ont noué des rapports de confiance. Arte est si peu méfiant que ce soir de la fin mai 1940, lorsque Grigoulevitch se présente à la porte de la maison de Trotsky, Arte lui ouvre aussitôt. Mais Grigoulevitch n'est pas seul. Et c'est une vingtaine d'hommes armés avec Siqueiros à leur tête qui font irruption dans la maison. Ils se dirigent immédiatement vers la chambre de Trotsky. Et sans même ouvrir la porte, arrose la pièce de plusieurs rafales de mitraillettes. Et sûr d'avoir abattu Trotsky, il s'enfuit, non sans avoir jeté quelques grenades incendiaires dans la maison. Mais Trotsky n'est pas mort. En effet. Lui et sa femme, lorsqu'ils ont entendu l'arrivée du commando de tueurs, se sont précipités hors de leur lit, se sont cachés dessous. Et seul, leur petit-fils a été légèrement blessé au pied. Alors, l'échec est donc total. Et Staline déteste les échecs. Une parenthèse avant de continuer. Ce pauvre Arte sera la seule victime de cette agression manquée. Ayant vu les membres du commando, il sera abattu un peu plus tard. À Moscou, comme on pouvait s'y attendre, Staline et les dirigeants du NKVD font la grimace. Et Grigoulevitch, qui craint à juste titre la colère de Staline, prend les devants. Dans un rapport envoyé au Kremlin, il déclare assumer l'entière responsabilité du fiasco et offre même de venir en URSS afin d'expier son ratage. Et ça suffit à calmer Staline ? Apparemment, puisque Grigoulevitch, qui affirme pouvoir récidiver avec succès, reçoit 10 000 dollars pour accomplir cette nouvelle mission. Mais il lui faut aussi trouver un nouveau plan. Bien entendu. Et c'est là où Ramon Mercader va entrer en scène. Mercader, qui n'a jamais cessé de flirter avec Sylvia, la secrétaire de Trotsky, et qui est peu à peu devenu un familier de la maison. Et malgré la première tentative d'assassinat ? Mais il n'y a été mêlé en aucune façon. Donc personne ne se méfie de lui. Il entre, va et vient à sa guise, il emmène même Sylvia et l'épouse de Trotsky faire leurs courses. Dites-moi, le système de sécurité là, mis en place autour de Trotsky me paraît quand même très défaillant. Hein. Oui, parce qu'au fond, personne n'a demandé à ce pseudo Jackson d'où il venait. Au reste, Mercader fait preuve d'une grande discrétion et feint de ne rien comprendre à la politique. Pourtant, un jour du mois d'août, il sollicite l'attention de Trotsky. Il a écrit un petit texte et il voudrait son avis. Le vieux accepte distraitement. C'est ainsi que, 3 jours plus tard, le jeune homme peut pénétrer dans le bureau de Trotsky. Celui-ci est assis. Le faux Canadien lui tend un papier et passe derrière la table de travail. Oui, comme pour lire en même temps que lui, quoi. C'est exactement ça. Alors, Mercader sort un piolet caché sous son imperméable et frappe Trotsky à la tête. Un coup d'une extrême violence. Mais avant de s'écrouler, le vieux pousse un long cri. Mercader semble terrorisé devant sa victime ensanglantée et il perd quelques sérieuses secondes. Oui, parce que le cri, enfin, j'imagine, a alerté la maisonnée. Bien entendu. Et c'est ainsi que l'assassin est maîtrisé et remis à la police. Bon, la suite, vous la connaissez. Mercader, après avoir purgé 20 ans de prison, sera accueilli comme un héros à Moscou. Puis il ira finir sa vie à Cuba, où il deviendra conseiller de Fidel Castro. Mmh. Alors, revenons à Grigoulevitch, si vous voulez bien. Ouais, pardonnez-moi, mais Grigoulevitch, à chaque fois, ça me fait sourire. Grigoulevitch n'a pas été dénoncé par Mercader. Mais il peut tranquillement quitter le Mexique et rejoindre l'une de ses planques, un drugstore qu'il a acheté au sud des États-Unis. Un établissement qui servira aussi à d'autres clandestins de l'Est et qui a surtout la particularité de se trouver non loin de Los Alamos. Ah oui, le centre américain de recherche nucléaire. Et quelques-uns de ceux qu'on a appelés les espions atomiques ont souvent fréquenté le drugstore de Grigoulevitch. Et lui, que devient-il ? Il est chargé de monter la résidence illégale du NKVD en Argentine. L'Argentine, où il est déjà allé. Hein, et où son père possède toujours une pharmacie. Ce qui doit lui simplifier les choses. Certainement. Mais plus précisément, pourquoi l'Argentine ? Ce pays neutre pendant la Seconde Guerre mondiale abrite une importante colonie allemande et les nazis font leur marché, armes, matériaux stratégiques, etc. Autant de marchandises qui sont transportées par mer en Espagne et gagnent ensuite l'Allemagne. Grigoulevitch et ses agents vont donc organiser de nombreux sabotages de bateaux ou d'entrepôts. Mais ils se livrent aussi à un travail de renseignement plus classique, car le pays est alors un vrai nid d'espions nazis. Ouais, et ce n'est pas par hasard si beaucoup de criminels de guerre y trouveront ensuite refuge. Hein. D'autant que les militaires qui s'emparent du pouvoir ne dissimulent guère leur sympathie pour les nazis. En tout cas, il semble bien que Grigoulevitch avait construit un réseau comportant des dizaines d'agents. On le découvrira beaucoup plus tard lorsque les télégrammes Venona seront enfin déchiffrés, car il y a souvent question d'un certain Arthur. Grigoulevitch ? Oui, c'était son nom de code. De façon plus anecdotique, cet homme cultivé fréquente aussi le gratin de la société intellectuelle. Il aurait ainsi, mais je me méfie des légendes, été l'un des familiers de la famille de la Serna, la branche maternelle d'un certain Che Guevara. Ah oui, mais... À l'époque, Guevara devait être adolescent, non ? Peut-être l'a-t-il croisé. Il est quand même amusant de noter que plus tard, Grigoulevitch rédigera une biographie du Che. En tout cas, ses aventures sont loin d'être terminées. Vers la fin des années 40, il se trouve à New York et il va guider les premiers pas d'un autre célèbre espion soviétique, l'énigmatique Rudolf Abel. France Inter, Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X, rediffusion. La Pravda du 24 août 1940, sous le titre « La mort d'un espion international » écrit. Trotsky a été victime d'un attentat commis par Jacques Mornard, c'était un autre pseudo de Mercader, l'un des individus et des partisans les plus proches de Trotsky. Puis le journal commente. « Celui qui est descendu dans la tombe est un homme dont le nom sera prononcé avec mépris et malédiction par les travailleurs du monde entier. Les classes dirigeantes des pays capitalistes ont perdu leurs fidèles serviteurs. Les services secrets étrangers ont perdu leur vieil agent, acharné, organisateur d'assassinats. » Puis la Pravda donne la version stalinienne du meurtre. Ce sont ses partisans qui l'ont tué. Ceux qui l'ont liquidé sont les terroristes mêmes auxquels il avait appris à tuer en traître, à qui il avait enseigné la trahison et les crimes contre la classe ouvrière, contre le pays des soviets. Trotsky, l'homme qui organisait le meurtre perfide de Kirov, de Kouibchev, de Gorky, est tombé victime de ses propres intrigues, trahisons, reniements et forfaits. J'ai trouvé la reproduction de cet article dans le livre de Jean-Jacques Marie consacré à Trotsky, paru en 2006 chez Payot. Un mot sur Rudolf Abel avant de voir la suite de l'étonnante carrière de Grigoulevitch. Abel, qui sera l'un des agents soviétiques installés aux États-Unis les plus efficaces, puisque c'est lui qui va diriger le réseau des espions atomiques. Mais ce réseau qui permettra à l'URSS de fabriquer sa première bombe A en un temps record. En 1949, oui. Donc Abel, dès son arrivée à New York, en provenance de Finlande, est pris en charge par Grigoulevitch. C'est lui qui lui donne d'impeccables faux papiers au nom de Fischer, une grosse somme d'argent et de précieuses recommandations. Puis Grigoulevitch disparaît. Une nouvelle ville l'attend. Et bien sûr, une nouvelle identité. Le Lituanien s'appelle désormais Teodoro Castro. Ouais, et quelle est sa légende, comme on dit dans les services secrets? Le pseudo Castro est le fils d'un notable costaricain décédé. Lui-même s'est installé avec son épouse à Rome, où il se lance dans l'import-export. Ah, c'est un commerce très pratique pour dissimuler les activités espionnes, mais vous en savez quelque chose. Hein? Pas de commentaire. Et au fait, votre Grigoulevitch là, est vraiment marié? Tout à fait. Il s'est marié avec une communiste mexicaine, une illégale aussi, Laura Aguilar, alias Luisa. Mais aujourd'hui à Rome, elle est devenue Madame Castro. Et forcément. Alors, que font-ils tous les deux à Rome, là? Ils montent une nouvelle résidence illégale du KGB, l'héritier du NKVD. Mais en même temps, Grigoulevitch tisse des liens avec des diplomates de sa prétendue patrie. Le Costa Rica, là. Et personne ne met en doute son identité. Non, l'espion a très bien préparé sa légende. Et ça marche tellement bien que ce faux Castro se lie d'amitié avec l'un des politiciens costaricains les plus en vue, José Figueras Ferrer, l'homme qui a permis à son pays de recouvrer la démocratie et qui sera ensuite président de la République à deux reprises. Les deux hommes deviennent même si proches que le pseudo-Castro arrive à persuader Ferrer qu'ils sont de lointains parents. C'est effectivement assez fort, ça. Et ça n'est qu'un début. Avec l'argent du KGB, Grigoulevitch monte une entreprise d'importation de café costaricain et, naturellement, il offre des parts à son nouvel ami. Tout va aller ensuite très vite. Dès 1951, il est officiellement nommé chargé d'affaires du Costa Rica à Rome. Un mois plus tard, en tant que tel, il assiste à Paris à la 6e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ça lui permet d'approcher quelques figures éminentes de la diplomatie occidentale, comme Anthony Eden ou le secrétaire d'État américain Dean Acheson. Et naturellement, ce Castro est un atlantiste convaincu. Qui doit donc s'opposer au représentant soviétique Andrei Vyshinsky. Vyshinsky, l'ancien procureur des sinistres procès de Moscou, là. Lui-même. Ouais. La situation est pittoresque, non? Un agent du KGB contre un diplomate soviétique, enfin passons. De retour à Rome, Grigoulevitch Castro continue à fréquenter le milieu diplomatique et politique. Il devient ainsi ami avec le leader de la démocratie chrétienne, Alcidio De Gasperi. Dites-moi, il a un vrai talent pour se faire des amis. Mais c'était certainement quelqu'un d'un commerce agréable. Et puis, m'avez-vous dit, c'était un homme érudit. Sans nul doute. Ouais. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas par hasard qu'il s'est fait l'ami de Gasperi. En fait, Grigoulevitch creuse son chemin. Et son objectif, alors? C'est le Vatican. Le Vatican. Ça mérite une petite explication, ça. Hein? Alors voici. La question, c'est celle de l'église uniate d'Ukraine, une église proche de Rome. Catholique, par conséquent. Et qui mène une guerre souterraine contre Moscou, encourageant même un mouvement de guérilla locale. Une guérilla contre le pouvoir communiste. Hein? Et pas mal de ses membres avaient collaboré avec les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est une question qui embarrasse depuis assez longtemps le Kremlin et en particulier le secrétaire général du Parti communiste ukrainien, Nikita Khrouchtchev. Khrouchtchev qui fera empoisonner l'archevêque Ramja, tête de file de la rébellion. D'accord, mais quel rôle peut jouer Grigoulevitch dans cette affaire? Bah d'abord, c'est très important, il donne de précieux renseignements à ses maîtres soviétiques. Quoi, sur l'attitude de Rome vis-à-vis des uniates, là. Naturellement. Ensuite, il essaie vraisemblablement d'infléchir l'attitude du Vatican. Quoi, en intervenant auprès du pape, au risque de se découvrir, hein. Bah écoutez, je ne sais pas exactement, mais j'observe quand même que Grigulevitch, alias Castro, obtiendra pas moins de 15 audiences papales. Autre point intéressant, décoré de l'ordre de Malte, très lié à quelques cardinaux, il serait aussi à l'origine de la création de la très célèbre et très sulfureuse Banco Ambrosiano. La banque du Vatican compromise dans les scandales des années 70-80. Oui, oui, oui, tout à fait. Ben décidément, ça fait beaucoup pour un seul homme. Hein. Attendez, on n'est pas fini. Toujours au nom du petit Costa Rica, Grigulevitch a obtenu de devenir ambassadeur non résident en Yougoslavie. Un poste éminemment important pour le Kremlin qui ne cessait de dénoncer Tito coupable d'avoir échappé à la tutelle de Moscou. Et au fond, le dirigeant yougoslave faisait l'objet de la part de Staline d'une détestation égale à celle qui l'avait conduit à faire assassiner Trotsky. Conclusion alors. Staline va demander à Grigulevitch d'éliminer Tito ? On est alors au début de l'année 1953. Et déjà, le pseudo-costaricain s'est rendu à deux reprises en Yougoslavie et en tant que diplomate, il a pris contact avec des proches du chef de l'État. On lui a même promis qu'il serait personnellement reçu par le maréchal. Vous m'avez bien dit que les deux hommes s'étaient déjà rencontrés, hein ? Oui, juste avant le départ de Grigulevitch pour l'Espagne. Mais les années avaient passé. Alors vous pensez que Grigulevitch l'avait peu de chance d'être reconnu par Tito ? Bon, en tout cas, il n'aurait pas couru le risque de dévoiler sa véritable identité. Tito, extrêmement méfiant, n'aurait pas apprécié d'être mis en présence d'un homme qui avait appartenu au NKVD et travaillait peut-être toujours pour son successeur, le KGB. En tout cas, ça veut dire que Grigulevitch envisage sérieusement d'assassiner Tito. Et personnellement. Il soumet à ses chefs et donc à Staline, qui supervise de près l'affaire, quatre scénarios possibles. Un point m'étonne, là. Jusque-là, si j'ose dire, Grigulevitch n'a pas mis lui-même la main à la pâte. C'est vrai. Ouais. Or, dans le cas de Tito, il se déclare prêt à agir. Lui-même, ouais. Et alors, ces scénarios ? Pour tout dire, ils me paraissent un peu échevelés. Alors, je n'en retiens qu'un. Grigulevitch Castro, reçu par Tito, lui aurait administré à l'aide d'un pulvérisateur silencieux, camouflé dans ses vêtements, une dose mortelle de bactéries de la peste pulmonaire. Mais ce faisant, il aurait lui-même pu être contaminé. C'est vrai. Aussi est-il prévu de lui faire ingurgiter auparavant un antidote. Mais Grigulevitch était prêt à prendre des risques. Les autres scénarios étaient encore plus aventureux et l'apprenti assassin avait déjà rédigé une lettre d'adieu à l'intention de son épouse. Mais vous imaginez comment tout cela s'est terminé. Staline est mort en mars 1953 avant que Grigulevitch ne puisse agir. Et le projet a été immédiatement abandonné. Oui, et au contraire, l'URSS a essayé de se réconcilier avec la Yougoslavie. Et cette dernière mission a mis fin prématurément à la carrière clandestine de l'agent Grigulevitch. D'autant que son patron, le redoutable Beria, a été rapidement liquidé par ses rivaux du bureau politique. Oui, mais que lui est-il arrivé à lui, Grigulevitch ? Eh bien d'abord, il s'est fait oublier. Et à la grande surprise de ses amis costaricains, il a disparu. Et quand il a reparu en URSS, sous un autre patronyme, bien sûr, il était devenu un respectable écrivain, spécialiste de la littérature d'Amérique du Sud et auteur talentueux de nombreuses biographies. Étrange reconversion, hein ? Au fond, il réalisait sans doute sa véritable vocation. Oui, pourtant, souvent dit que lorsqu'on avait été un agent secret, on n'en sortait jamais tout à fait. C'est parfaitement exact. Alors on peut imaginer que Grigulevitch a peut-être continué à rendre de discrets services au KGB. Après tout, dans les réunions d'écrivains, il est aussi possible de glaner des renseignements intéressants, ne serait-ce que sur les dissidents qui demandent l'aide de leurs confrères occidentaux pour passer leurs manuscrits à l'Ouest. Mais il ne s'agit naturellement que d'une idée qui vient à l'instant de me passer par la tête. Les informations fiables sur Grigulevitch sont rares. Aussi, je reviens vers l'ouvrage de Soudoplatov, Mission spéciale. Le maître espion évoque d'abord l'action de l'agent soviétique au Vatican. D'après les renseignements communiqués par Grigulevitch en 1947, le Vatican tentait de convaincre Américains et Britanniques de prêter assistance à l'Église catholique ukrainienne et au mouvement de guérilla qui la soutenait. Ces informations n'étaient pas seulement adressées à Staline et à Molotov, mais aussi à Khrouchtchev en Ukraine. Ce dernier réagit en demandant à Staline l'autorisation de liquider en secret la hiérarchie de l'église uniate. Khrouchtchev envoyait à Staline une note pour expliquer que l'archevêque Romcha de l'église uniate ukrainienne entretenait de nombreux contacts avec les chefs de la guérilla et les représentants secrets du Vatican, lesquels cherchaient à faire obstacle au gouvernement socialiste ukrainien et à encourager le banditisme. Puis, ailleurs, Soudoplatov fait allusion à l'action envisagée contre Tito, action annulée après la mort de Staline. L'ordre d'assassiner celui-ci n'ayant plus aucune raison d'être, Grigulevitch fut rappelé à Vienne, puis à Moscou, pour examiner avec Beria les possibilités d'améliorer les relations entre l'URSS et la Yougoslavie. Ce fut une autre opération avortée à cause de l'arrestation de Beria. Grigulevitch était désormais catalogué comme un sujet à risque parce qu'il avait rencontré Orlov et pouvait être identifié à l'étranger depuis que ce dernier avait publié des articles dans le magazine Life. On ne le revit plus jamais chez lui en Italie. Et le gouvernement costaricain, pour lequel il faisait fonction d'ambassadeur auprès du Vatican et en Yougoslavie, perdit sa trace. Il fit sa réapparition à Moscou dans les années 60, en tant que grand spécialiste de l'Amérique latine. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez trouver des informations discographiques et bibliographiques. Et merci à Michel Billou, Rebecca de Nantes et Monsieur Joub.